Les éditions de l'Avenir présentent Les Conjurés d'Alaspar, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série numéro 16. Chapitre 7. Mazas s'assit sur la couchette et médita quelques minutes. Ses pensées étaient plutôt moroses et elle s'inquiétait pour l'émir et ses trois compagnons. Elle connaissait les facultés surhumaines du mulot castor. Faculté qui lui avait permis si souvent de se sortir de situations inextricables. Mais cette fois, elle avait ressenti une telle puissance et une telle assurance dans les propos et le comportement de Stafford de Monterney, elle avait été si impressionnée par la haine qui sourdait de toutes ses paroles, qu'elle se demandait si, pour une fois, son ami n'avait pas trouvé plus fort que lui. Depuis qu'elle était enfermée, elle avait tenté de contacter Lilt, mais elle n'avait pas eu la moindre réponse à ses appels mentaux, ce qui augmentait encore son inquiétude. Elle ignorait évidemment la présence de l'écran quantidimensionnel qui isolait le mulot castor et ses complices. Mais son abattement fut de courte durée. L'ex-mercenaire avait un caractère en acier trempé et elle ne tarda pas à se ressaisir. Tout d'abord, il lui fallait connaître l'état dans lequel se trouvait l'Antilan. Sur le coup, lorsque les Naats l'avaient pris sous le feu de leurs armes, elle avait cru qu'il était mort, avant de réaliser qu'il s'agissait de radiochoc. En règle générale, ces derniers ne causaient pas le décès des victimes, mais dans le cas présent, il avait subi l'impact d'un tel nombre de tirs que le risque devenait extrême. Elle se leva. Il s'approcha de la grille donnant sur le couloir, à côté du mur de séparation des cellules. À voix basse, elle appela. « Arx, tu m'entends ?» Mais pas le moindre son en provenance de la géole adjacente. Pensive, elle recula et s'assit à nouveau sur le bas-flanc. Puis, un bref sourire éclaira son visage et elle détacha le ceinturon qui saignait ses reins. Elle se redressa souplement et reprit sa position précédente, près de la cellule d'à côté. Brandissant la boucle en métal après l'avoir frottée pour la rendre brillante, elle allongea le bras et braqua son ersatz de miroir sur l'intérieur du cachot contenant le corps inerte de son ami. Elle aperçut Arx, dont les pseudopodes étaient emmêlés sous son corps piriforme. Un soupir de soulagement souleva sa poitrine quand elle perçut un souffle qui animait légèrement l'antilan. Son ami était vivant et, dans l'immédiat, cela suffisait à lui rendre sa captivité plus légère. Elle attendit donc, patiemment, que l'octopode reprenne ses esprits. De temps à autre, elle appelait. « Arx !» Finalement, un grognement répondit à ses appels. Elle se leva d'un bond. « Arx, ça va ?»« Arx, va mal. » Il passa le bras à travers les barreaux, la main dirigée vers la cellule voisine. Un pseudopode, d'abord hésitant, puis plus ferme, s'enroula avec douceur autour de son poignet. « Comme c'est touchant !» La voix ironique du surmutant, tombant d'un haut-parleur, la fit sursauter de rage, mais elle se reprit instantanément et rétorqua de ton calme. « Je suppose que vous êtes bien mal placé pour juger. » En chuchotant, mais se doutant que tout ce qui se passait dans la prison était observé, la jeune femme échangea quelques mots avec l'octopode qui continuait à se traîner lamentablement sur le sol de sa prison, sans doute une conséquence des nombreux tirs encaissés qui avaient eu pour effet de le démolir insidieusement. Mazas était inquiète de voir combien son compagnon était affaibli, car elle connaissait sa résistance extraordinaire. Mais même un surhomme ne put supporter sans séquelles les impacts d'une douzaine de radiochocs lourds. Finalement, il se traîna jusqu'à son bas-flanc, s'y laissa tomber et sembla s'endormir. La Karzassienne secoua la tête d'un air accablé et décida de faire comme son ami. Après tout, cela ne lui ferait pas de mal de recharger un peu ses batteries. Malgré leur situation, tout sauf enviable, elle ferma les yeux et s'assoupit presque instantanément. L'émir avait déployé toutes ses antennes parapsychiques pour éviter d'être surpris lorsque le surmutant passerait à l'attaque. Mais dans l'immédiat, tout était calme. Le calme avant la tempête. À tout hasard, dans le cas où des gaz incapacitants seraient utilisés à leur encontre, les quatre compagnons avaient verrouillé le casque de leur spaphandre autonome. Steve, dont les tendres sentiments à l'égard de Mazas n'étaient un secret pour personne, s'inquiétait plus du sort de la jeune femme que du sien propre. Mais, la tête sur le bio, il n'aurait jamais accepté de l'avouer. Rick et Black Bear, quant à eux, après avoir échafaudé les plans les plus extravagants pour se sortir du piège dans lequel ils étaient tombés, avaient fini par renoncer. Et, l'esprit tranquille, ils se tenaient prêts à agir dès que le mulot castor le leur demanderait. « Attention, il est là !» Les trois Terraniens se redressèrent, le regard braqué sur Lilt. Celui-ci, les yeux fermés pour mieux se concentrer avant le début de la joute mentale qui ne pouvait manquer de se produire, sursauta soudain et un blasphème que n'aurait pas renié Reginald Bull s'échappa de ses lèvres. « Qu'y a-t-il ?»« Il est accompagné de plusieurs antis. Du coup, je ne sais pas si je pourrais résister. » Pendant quelques instants, il ne se passa rien. Puis, le visage de l'émir se figea et un tic nerveux s'empara de sa paupière droite, la faisant battre spasmodiquement. Sous l'œil inquiet de ses compagnons, il tenta de bouger ses membres, mais put à peine manœuvrer ses doigts. D'un seul coup, une vague psychique submergea Rick, Steve et Ruth Blackbear. Ils titubèrent sous le choc avant de se redire, le regard fixe et inexpressif. Comme des automates, ils se dirigèrent alors vers le mulot castor. Tandis que le Cherokee et le pilote lui maintenaient les bras contre le corps, malgré ses tentatives dérisoires de se dégager, le mercenaire entreprit posément de lui enlever son casque. « Non !» retentit le sifflement caractéristique de la propagation d'un gaz anesthésia à l'intérieur de la salle. Privés de sens, les quatre corps s'affaissèrent sur le sol. 3 à 4 minutes plus tard, une forte ventilation se fit sentir, dissipant l'atmosphère nocive et la remplaçant par de l'air pur. Le surmutant fit alors son apparition, suivi d'une cohorte de séides vêtus de longs manteaux rouges. Leur tête était enserrée dans un capuchon, laissant apercevoir des traits ascétiques et des yeux fanatiques. Stafford de Monterny, ou l'androïde abritant son cerveau, se pencha sur ses adversaires inconscients. Du bout du pied, il retourna le mulot castor et éclata de rire en voyant ses traits figés et ses yeux clos. « Messieurs, je vous présente l'émir, l'invincible ami de Périrodan !» Il fit signe à un personnage qui se tenait en retrait, un ara longiligne au visage maladif. « Docteur, veuillez faire la piqûre prévue pour notre hôte !» L'homme sortit une trousse de la poche de son ample blouse blanche, l'ouvrit et saisit une seringue. Puis il s'approcha de Lilt, s'agenouilla près de lui et, après avoir remonté la manche de la combinaison, lui injecta le liquide brunâtre. « Combien de temps votre mixture doit-elle faire effet ?»« Au minimum 24 heures. Il suffira de recommencer une fois par jour pour le maintenir dans l'incapacité d'utiliser ses talents parapsychiques. »« Ce ne sera peut-être pas nécessaire très longtemps, car après leur jugement, l'exécution suivra aussitôt. » Le bruit de l'ouverture de la porte blindée menant au couloir desservant la prison alerta Mazas. Elle releva la tête dans l'attente du ou des arrivants. Il s'agissait en fait de plusieurs visiteurs, mais elle sentit son cœur manquer un ou deux battements lorsqu'elle aperçut des robots qui transportaient les corps inanimés de ses quatre amis. Les mécaniques sans âme, obéissant aux ordres reçus, enfermèrent les prisonniers, chacun à leur tour, dans une cellule individuelle. Puis, sans que le moindre son ait été proféré, les serviteurs de métal repartirent et la porte se referma hermétiquement derrière eux. La jeune femme s'était approchée des barreaux et, La voix anxieuse appela tour à tour ses compagnons de géole. Rick, Lémire, Steph, Rood, Arx. Mis à part un grognement de l'antilan, elle n'obtint aucune réponse. Résignée, elle retourna vers sa couchette et s'y allongea en fermant les yeux. Rejetant le maelstrom de ses sentiments et de ses peurs, elle fit le vide dans son esprit et s'endormit d'un sommeil réparateur. Une litanie de jurons lui fit reprendre pied dans la réalité. Elle se redressa, un sourire aux lèvres. « Steve ! » !»« Mazas ? » ?»« Comment te sens-tu ? » ?»« J'ai l'impression qu'une armée de lutins est en train de faire la foire à l'intérieur de mon crâne. À part cela, le reste a l'air en ordre. »« Que s'est-il passé ?» Le surmutant a utilisé ses talents de fascinateur pour nous obliger à enlever le casque du spatiandre de l'émir. Puis, du gaz a été envoyé dans la salle où nous étions. Après, je ne me souviens plus de rien. Mais l'émir s'est laissé faire ? Je crois que Monterny était accompagné de plusieurs antis. Alors cela explique tout. Avec leur capacité mentale, ils ont réussi à neutraliser les facultés parapsychiques de notre ami. Boglar ! Le juron familier des mercenaires arracha un petit rire à la Carzassienne. Alors, Rick, tu refais surface ? Oui, petite sœur. Bien content de t'entendre. Comment te sens-tu ? Un peu vaseux. Je suppose que l'émir et Root sont toujours dans le cirage. Je n'ai pas besoin de jurer pour prouver que je ne suis plus inconscient. La remarque déclencha quelques sourires amusés et contribua à détendre un peu l'atmosphère. Stafford Monterny s'était enfermé dans son bureau en compagnie du triumvirat, du seigneur Corlan, d'un patriarche franc-passeur, d'un Ipsadien, de deux aras et d'un terranier. Quelle belle brochette de mécréants, se serait exclamé Reginald Bull, s'il avait pu assister à la réunion des principaux dirigeants de l'Aspar. Mais le féal ami de Perry Rodden se trouvait à des années-lumière de la planète Plogan et de l'Assemblée des comploteurs. Le surmutant enveloppa ses complices d'un long regard dont la froideur robotique mettait toujours ses interlocuteurs mal à l'aise. L'ombre d'un sourire erra sur ses lèvres fines. Il commença. « Mes amis, grâce à la capture, inespérée, il faut bien l'avouer, de l'émir et de ses compagnons, nous allons porter un premier coup mortel au Stellarc de Sol 3. Il ignore, bien entendu, tout de mon existence et les connaissances qu'il a péniblement acquises au sujet de notre organisation sont des plus succinctes. Mais nous possédons à présent un avantage important. Le fait que Mazas Pavel nous ait joué la comédie, avec l'aide d'Atlan, prouve que ce dernier était au courant de la présence d'un micro dans son propre bureau et qu'il a décidé de nous faire de l'intox. Finalement, cela représente une chance pour nous, car il ignore que nous le savons. Je vais être très pris dans les 2 ou 3 jours à venir, mais après, je tiens à m'occuper en personne de nos prisonniers. Lorsque la piqûre quotidienne faite au mulot castor commencera à perdre de ses effets, afin qu'ils puissent bien réaliser ce qui va leur arriver, il sera conduit à la salle du conseil avec ses amis. Rassurez-vous, une équipe d'anti sera avec moi au cas où il parviendrait à retrouver plus rapidement que prévu ses facultés paranormales. Ils seront alors jugés tous les 6 et, bien entendu, condamnés. Je ferai procéder à leur exécution dans la foulée. Le procès, le jugement et leur supplice seront filmés. Et quelques jours plus tard, Perry Rodden recevra le cristal mémoire que nous lui aurons fait parvenir. Dans le même temps, nous lancerons l'opération Retour aux Sources. L'invasion de Plophos, aidée par les nostalgiques d'Eratio Andro, qui n'attendent qu'une occasion pour se débarrasser de Moria Bro, qu'ils considèrent comme une usurpatrice. Surtout depuis qu'elle a épousé le Stellark. Ces imbéciles croient que nous allons leur abandonner le pouvoir, et je ne les ai pas détrompés. Lorsqu'ils auront tiré les marrons du feu pour nous, Il sera toujours temps de leur remettre les pieds sur Terre. Ce système solaire nous servira de tête de pont pour la suite de nos actions, dont la plus spectaculaire consistera en l'explosion d'une bombe lorsque le Lord Amiral Atlan sera dans son bureau. Ne craignez-vous pas que le chef de l'OMU, sachant qu'on a réussi à y dissimuler un micro, ait pris des dispositions particulières pour que nul ne puisse y pénétrer impunément? Non, car la microbombe sera introduite, à son insu bien évidemment, dans le corps de son adjoint, l'étrusien Melbar Kazom. Et nous la ferons exploser par télécommande au moment voulu, c'est-à-dire lorsqu'il sera en conférence avec son patron. Est-il indiscret de demander comment vous comptez procéder? L'androïde découvrit ses dents en un sourire sinistre. Les étrusiens sont connus pour leur cloutonnerie. Un de nos hommes, qui a réussi à se faire engager à la cantine des officiers d'OMU-1, se chargera de les glisser dans sa nourriture. Elle est tellement miniaturisée qu'il l'avalera sans s'en apercevoir. Et sous les effets des sucs gastriques, elle s'entourera d'une pellicule qui la fera adhérer aux parois de l'estomac. À partir de ce moment, Melbar Kazom sera devenu une bombe vivante que nous pourrons activer au moment où nous le désirerons. Magnifique. Et imparable. Durement touché par la perte de l'émir et de l'arconide, ses deux plus fidèles alliés et de son épouse, Perry Rodan aura déjà un genou au sol. Nous pourrons alors porter l'estocade. Satisfait de la réaction de son auditoire, le surmutant sentit monter en lui un sentiment d'orgueil encore plus prononcé qu'à l'habitude, et c'est avec des rêves de gloire plein la tête qu'il prit congé de ses hôtes. Depuis 3 jours, les prisonniers prenaient leur mal en patience, étonnés de constater que le surmutant semblait les avoir oubliés. Pourtant, tout au début de leur captivité, il était venu sonder leur esprit l'un après l'autre. Debout, de l'autre côté des barreaux, il les avait saisis sous son regard de fascinateur et avait entrepris de lire leurs pensées, y récoltant tout ce qu'ils désiraient savoir. Cet exercice les avait épuisés, car ils avaient vainement tenté de lui opposer une résistance. Seuls, Lild et l'Antilan avaient fait barrage à son introspection mentale, le premier grâce à ses pouvoirs, malgré sa faiblesse, le second parce que son mode de pensée était trop éloigné des normes humaines et qu'il semblait, de plus, avoir doucement sombré dans une sorte de gâtisme. 2 fois par jour, des robots leur apportaient de la nourriture et un médecin Ara venait toutes les 24 heures afin de renouveler l'injection de la drogue qui maintenait l'émir dans un état semi-comateux. Arx était toujours dans la même situation, affaibli au point de ne pas pouvoir se déplacer sans aide. Mazas, après avoir discuté un long moment avec le responsable de la prison, avait fini par obtenir l'autorisation de pouvoir l'aider à se nourrir. Mais son inquiétude grandissait à la vue de son ami qui semblait ne pas se remettre des chocs reçus et qui passait son temps à marmonner des phrases inintelligibles dans sa langue maternelle. Il connaissait parfaitement la résistance physique exceptionnelle de l'Antilan, mais devait convenir que nul ne pouvait supporter sans graves dommages psychiques et physiques le feu roulant de nombreux radiants chocs lourds. Ses 3 autres compagnons rongeaient leurs freins, prêts à en découdre avec l'univers tout entier s'ils en avaient seulement l'occasion. Soudain, en dehors de l'heure des repas, la porte blindée s'ouvrit et une cohorte de gardes s'encadra sur le seuil. Parmi eux, la jeune femme reconnut sans le moindre plaisir les 2 lourds, gardes du corps du seigneur Corlan. Sans brutalité excessive, les nouveaux arrivants firent sortir les captifs de leur cellule, mais en ce qui concernait l'octopode, il fallut le porter et ses reliements qui s'en chargea avec une moue de dégoût, le jetant par-dessus son épaule. Quant à Talman, il s'empara du corps hébété de l'émir qui glissa négligemment sous son bras gauche. Le groupe emprunta les couloirs qui menaient vers la salle du conseil sous l'œil vigilant des soldats de l'Aspar et la menace de leurs armes. Poussée sans douceur par le choc du canon d'un radian au niveau de la colonne vertébrale, la Cardassienne fut invitée à pénétrer dans la salle où elle et ses compagnons devaient être jugés. Comme lors de sa première venue, le triumvirat siégeait sur l'estrade, mais cette fois, l'androïde contenant le cerveau de Stafford Monterny se trouvait au premier plan. En contrebas, enfoncés dans de confortables fauteuils contours, les têtes pensantes de l'organisation subversive, tout excitées à l'idée de l'Alali qui se préparait. Au centre du tribunal, face à des fauteuils où étaient assis quatre anti-hiératiques, sinistres dans leur ample cape grise et bordée de rouge, d'où sortaient des visages émaciés aux regards fanatisés et aux crânes rasés, se trouvaient six chaises alignées derrière une table tout en longueur. Les prisonniers s'y installèrent, du moins quatre d'entre eux, car le mulot castor et l'octopode y furent déposés et maintenus à peu près droits. Derrière chaque accusé, un naat en armes prit place. L'agent de l'OMU était placé entre Lilt et l'Antilan, et c'est avec tristesse qu'elle eut confirmation de leur état de faiblesse extrême. Malgré tous ses efforts, l'émir était abâché sur son siège. Quant à Arx, son corps y reposait, tandis que ses pseudopodes traînaient mollement et lamentablement jusqu'au sol. Avec une infinie tendresse, elle caressa le sommet du crâne de l'octopode. Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde quand elle crut deviner une lueur d'intelligence dans le regard qu'il lui adressa. Mais elle refoula toute espérance quant à l'amélioration de son état physique et reporta son attention sur ce qui l'entourait. Le surmutant observa l'assemblée d'un air satisfait. Son triomphe inéluctable gonflait son cœur artificiel d'une allégresse qu'il avait beaucoup de difficultés à juguler. Il emprunta les quatre marches qui permettaient de passer de l'estrade à la salle et s'approcha de l'émir qui était prostré sur son siège. Il allongea le bras et saisit Lilt par l'oreille gauche. Puis, il tira la tête vers lui et plongea son regard dans l'œil éteint de son ennemi. Négligemment, il lui asséna deux gifles. Allez, réveille-toi! Tu vas être jugé avec tes complices! Alors, tâche de te tenir dignement! Sous l'effet des coups, le fleuron de la milice sembla revenir à lui et il esquissa un dérisoire geste de défense qui fit éclater de rire son tortionnaire. Tu as perdu un peu de ta superbe! Espèce de lâche! L'exclamation indignée de Mazas laissa Stafford Monterny de marbre. Il lâcha sa victime qui s'affaissa sur sa chaise. Le naat, posé dans son dos, étendit son bras flasque dont les doigts caoutchouteux se glissèrent derrière la nuque du malheureux pour le redresser. Le surmutant rejoignit l'estrade sur laquelle il resta debout, son état robotique ignorant la fatigue, à côté du pupitre où siégeait le triumvirat, la vitrine visible du commandant de la Spar. Car bien peu de gens savaient que son véritable et seul patron était ce personnage énigmatique aux traits inexpressifs. Nous allons à présent procéder au jugement de ces ennemis de notre organisation, qui espéraient bien nous démasquer afin de nous livrer à nos adversaires. Le capitaine Nero Stenberg jeta un coup d'œil à son miroir, redressa d'un doigt négligent la casquette qui ornait sa tête, essuya une tache imaginaire au revers de son uniforme et, après un ultime sourire suffisant, quitta la salle d'eau. Satisfait de lui, sifflotant un air entraînant, il quitta son logement. Parvenu au niveau de la bande transporteuse à faible vitesse qui passait au pied des immeubles résidentiels d'OMU 17, il s'y engagea, sautant rapidement sur celle d'à côté, dont la célérité était le double de la première. Pendant quelques centaines de mètres, il se laissa porter. Il se préparait à la quitter pour emprunter celle qui défilait à grande vitesse lorsque l'un de ses voisins perdit l'équilibre, se raccrocha à lui et le fit tomber en le poussant violemment. La casquette qu'il avait enfilée ne fut pas suffisante pour amortir le choc de son crâne contre une borne de béton. La base secrète de l'Organisation des Mondes Unis venait de perdre l'un de ses agents de sécurité. La nouvelle du décès accidentel du capitaine Nero Stenberg parvint sur OMU 1 plus de 24 heures après l'événement. Le cerveau second d'Atlan mit celui-ci aussitôt en alerte. Ce décès arrivait trop à propos pour n'être qu'un accident, car, à présent, le fil conducteur menant vers l'Aspar était rompu. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 7 de Mazas Pavel, Les Conjurés de l'Aspar, par André Bory. Les interprètes, K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe dans le rôle de Stevomir Hirsing, Ezwa dans le rôle de Lémire, Aldor dans le rôle de Rick Pavel, Christian Martin dans le rôle de Ruth Blackbear, Gabriel Jean dans le rôle de Stafford Monterny, Eric dans le rôle de Corlan, Silverson dans le rôle de Léo Fostarnil, Jean Seb dans le rôle de Viner Gorgal, Jay dans le rôle de Nero Stenberg, Bruno dans le rôle de Lara Ennemi, et Christian Martin dans le rôle de Axe et à la narration. L'histoire et la majorité des personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cette version audio diffusée sur un track Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives est une production 2013 des éditions de l'Avenir. Pour te connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.